Enfin, un moment pour vous. Vous choisissez un album dans votre collection. Vous sortez le disque de sa pochette. Vous le posez sur la platine. C'est l'instant vinyle. Sur Blues Café Radio, avec Christian Biral. Bienvenue dans l'instant vinyle de Blues Café Radio. La musique du générique de l'émission est tirée d'une chanson qui s'appelle « I want to make the world turn round », que le monde tourne rond, qu'ils tourneront comme un disque vinyle. Cette chanson figure sur l'album « Living in the 20th Century ». C'est un 33 tours de Steve Miller Band dédié au géant du blues Jimmy Reed. Jimmy Reed est une des grandes idoles de Steve Miller, avec qui il a joué quand il avait... tenez-vous bien, seulement 14 ans. Vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce prodige, Steve Miller. Mais assez parlé, on écoute un titre du disque que je viens de poser sur la platine et on en parle juste après. On vient d'écouter Pretty Thing par le Steve Miller Band. C'est tiré d'un album qui s'appelle Let Your Hair Down et c'est le dernier album du Steve Miller Band. Cet instant vinyle est dédié à cet album mais aussi à son album jumeau qui s'appelle Bingo. En fait, ces deux albums sont sortis respectivement en 2010 et en 2011. Ce sont donc les deux derniers albums à ce jour de Steve Miller. Ils ont été enregistrés avec les mêmes musiciens et avec le même concept. Ce sont des albums de reprises de blues. On y trouve énormément de classiques, Pretty Thing qu'on vient d'écouter, c'est un titre de Willie Dixon par exemple, et tous ces titres sont repris avec la patte inimitable de Steve Miller. Alors Steve Miller, qui est-il ? C'est le créateur de dizaines de tubes, il a vendu des millions de disques, c'est par exemple lui qui a créé The Joker. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompousness of love. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and on the run. Steve Miller, c'est aussi le créateur de Rockin' Me. Miller a enregistré des dizaines de tubes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il est un grand amateur de blues. Il a toujours baigné dans cette musique. Il a passé sa jeunesse à Chicago, où il a joué avec énormément de musiciens. Je ne citerai que Howlin' Wolf, Buddy Guy et Chuck Berry, avec qui il a enregistré l'album Live at the Fillmore. En 2010, après 17 ans de silence, il est rentré en studio pour réenregistrer des classiques du blues, mais à sa façon, avec le son de Steve Miller. Ce son sophistiqué et reconnaissable entre tous, avec de merveilleux arrangements et de splendides harmonies vocales. On écoute immédiatement un deuxième titre. Oh, On vient d'écouter Don't You Know par le Steve Urban. Cette chanson, elle est signée Jimmy Vaughan. Et Steve Miller explique dans les notes de pochette: Jimmy Vaughan est un de mes guitaristes favoris car il exprime beaucoup en jouant peu de notes. Restons justement sur cette pochette. Je vous encourage à aller voir à quoi ressemblent les albums Bingo et Let Your Hair Down. La conception graphique est signée Storm Studios. Storm, c'est Storm Thorgerson, c'est le créateur du studio Hypnosis. Hypnosis, c'était le studio qui a créé notamment quasiment toutes les pochettes iconiques de Pink Floyd. Et puis, quand vous regardez les pochettes intérieures, vous allez retrouver aussi des dessins qui font référence à Steve Miller. Mais on y revient après le titre qu'on va écouter maintenant. On vient d'écouter All Your Love, I Miss Loving, c'est un titre de Otis Rush. Et Otis Rush, c'est vraiment une idole de Steve Miller, il en parle dans ses notes de pochette. Il a enregistré plusieurs chansons d'Otis Rush, qu'il a connu aussi. On parlait de la pochette de Bingo et de Let Your Hair Down, et il y a aussi des visuels à l'intérieur. Donc ce sont des dessins, et on va retrouver des références au personnage de Steve Miller, puisqu'on va le retrouver, on va retrouver un cow-boy avec des étoiles, et ça, bien sûr, le cow-boy avec des étoiles, c'est une référence directe au Space Cowboy. C'est une de ces, un de ces sobriquets, hein, They Call Me the Space Cowboy. Je vous propose d'écouter maintenant un quatrième titre. For C'était No More Duggin par le Steve Miller Band. C'est un titre signé Roscoe Gordon et Jules Taube. Ce qui est intéressant quand on parcourt ces pochettes, c'est de se dire aussi, tiens, qui sont ces auteurs qu'on ne connaît pas forcément. Moi, Roscoe Gordon, comme ça, au début, le nom ne me parlait pas forcément beaucoup, même si j'avais l'impression de l'avoir déjà lu. Et en allant chercher dans Wikipédia, qu'est-ce que je vois ? Il a contribué à populariser un style rythmique de piano boogie connu sous le nom de Roscoe Rhythm, qui deviendra l'une des bases des musiques ska et reggae. Et c'est vrai que si vous allez écouter la version originale de No More Duggin, vous allez tomber sur quelque chose qui ressemble furieusement à du ska. No More Duggin, fool it around with you. No more dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, that's what I'll have to do. Ce titre No More Duggin est donc signé Roscoe Gordon et Jules Taube. Alors on peut se dire, mais qui est ce Jules Taube ? On peut se poser la question parce que quand on lit la tracklist de ces deux albums, Bingo et Let Your Hair Down, on va retrouver des grands classiques, on va retrouver des grands noms dans les signatures, on va retrouver B.B. King, Otis Rush, Willie Dixon, Robert Johnson, Muddy Waters, Buddy Guy, et j'en passe, et des meilleurs. Mais dans les signatures, il y a aussi des noms comme celui donc dont on parlait, Jules Taube, qui est-il ? Et pareil pour Rock Me Baby, c'est B.B. King et Joe C. Eh bien, ces noms, Jules Taube et Josie, ce sont des pseudonymes d'hommes d'affaires qui ajoutaient leur nom au crédit d'écriture, même quand ils n'avaient aucune contribution à l'écriture de la musique ou des paroles. Ils revendiquaient la copaternité des chansons simplement pour ajouter des droits d'auteur à leur source de revenus. Et ça, c'était, pour les musiciens de l'époque, c'était de grandes surprises. B.B. King a comme ça des dizaines de chansons qui sont co-signées, alors qu'elles sont co-signées par des personnes dont ils découvraient le nom au moment où le disque sortait. Quand Steve Miller décide de réenregistrer en studio 17 ans après son album Wide River, Steve Miller a 67 ans. Mais vous conviendrez avec moi que sa voix n'a pas changé. Son jeu de guitare est toujours aussi flamboyant et son enthousiasme intact. La cohésion avec son groupe est palpable, le plaisir communicatif. Ces deux albums, Bingo et Let Your Hair Down, sont délicieux. Alors ne boudons pas notre plaisir, voici Come on baby, let the good times roll. Roll. pour terminer cet instant vinyle sur Blues Café Radio, je vous propose un dernier titre de l'album Bingo, Sweet Soul Vibe, co-signé Nile Rodgers et Jimmy Vaughan. Un titre qui porte bien son nom puisque vous allez entendre un début quasi gospel. C'est avec ce titre que s'achève cet instant vinyle dédié aux albums Bingo et Let Your Hair Down de Steve Miller. On parle souvent de feel-good movies, et pour moi, Steve Miller, c'est un feel-good artiste, avec ses musiques, ses arrangements, ses harmonies euphorisantes. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain instant vinyle sur Blues Café Radio.